On va poursuivre après cette rencontre auprès de Jean-François Chaussy par un autre moment clé et revenir sur un de ces mots clés de cette journée. Il s'agit d'autodétermination. Alors nous allons revenir sur ce concept avec Jean-Paul Champeau qui va nous rejoindre ici au pupitre. Bienvenue. On va vous céder un micro, bien entendu. Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc Jean-Paul Champeau, je suis, comme il est dit dans le programme, retraité d'éducation nationale et administrateur des PEP Loire-Dôme-Allier, qui réunit les deux départements depuis Dôme et de la Loire. Et j'ai été, dans ma carrière professionnelle, enseignant spécialisé handicap moteur à Clermont-Ferrand, et directeur de Trisomie 21 France, qui était implanté à Saint-Étienne. Quand Marielle Labrandine m'a demandé de venir parler de l'autodétermination, je l'ai bien entendu remercié vivement, mais je lui ai fait remarquer que j'étais vieux, quoi. Et elle m'a dit, c'est ce qui m'intéresse, puisque il faudrait faire un retour sur comment ce concept a émergé. Donc j'espère que je ne passerai pas à côté parce que dans mon exposé, je vous propose, je suppose que tout le monde connaît le terme et le manipule. Donc on va voir. Donc autodétermination, moi j'adore ce gosse. Donc voilà, donc c'est la détermination fait partie de l'autodétermination. Alors on va parler de l'histoire. Eh bien ça ne marche pas votre... Si c'est bon. Au siècle dernier, on parlait d'autonomie. Et on a commencé à lancer ces travaux à Trisomie 21 France en 1997 à Clermont, où on avait intitulé les journées Trisomie 21, le défi de l'autonomie. Et 2 ans après, à Pau, on avait invité Gilles Le Cardinal, qui était... enseignant à l'université de technologie de Compiègne, qui travaillait sur les technologies de communication, donc il n'avait aucune connaissance, à mon avis, de ce qu'était l'autodétermination telle qu'elle était définie déjà à l'époque aux États-Unis, au Canada. Donc il disait quoi ? Il disait « est autonome celui qui sait demander l'aide dont il a besoin pour réaliser quelque chose ». Ce qui nous avait déjà paru intéressant, mais bon. « Et celui qui sait discerner les actions... » Vous voyez, oui. Celui qui sait discerner ce pourquoi il peut demander l'aide et ce pourquoi il n'a pas besoin de demander d'aide. Celui qui apprend aussi, parce qu'on apprend, si ça ne sert à rien de réaliser des choses si ça ne sert pas aussi à apprendre. Celui qui apprend. Celui qui choisit les personnes dont il a besoin, c'est-à-dire qui identifie les personnes et qui sait discriminer entre ceux à qui il peut faire confiance, ceux à qui il ne peut pas faire confiance, celles qui sont compétentes et celles qui ne sont pas, et non seulement ça, mais qui réussit à coopérer avec elles, c'est-à-dire que l'aide dont il a besoin, ce n'est pas simplement, pour faire court, de pousser son fauteuil, c'est de dire aussi à quoi la personne va lui servir et comment ils vont coopérer tous les deux. Et... Ensuite, celui qui progresse, c'est-à-dire celui qui prend le risque, on reviendra sur cette notion de risque à la fin, celui qui prend le risque de concevoir des projets de plus en plus complexes. Donc voilà Gilles Le Cardinal. Et on passe au siècle suivant, 2000, décembre 2000, Saint-Étienne, les premières rencontres européennes sur la trisomie 21. Trisomie 21, quel futur ? Et on invite... Marie-Claire Elouek. Marie-Claire Elouek, qui était professeure à l'université de Mons-Hainaut, et c'est là qu'on a vu apparaître pour nous l'autodétermination, où elle exposait sa méthode, qui était une méthode d'attention des adolescents, pardon, qui s'intitulait « J'étais, je suis, je serai ». Et partant de là, on a commencé à découvrir l'autodétermination, on a commencé à travailler et à organiser des formations avec l'université de Mons-Hainaut, formation à destination, puisqu'on parle des familles, des parents et des professionnels. Ou des professionnels et des parents, pardon. Et puis, au cours des années qui ont suivi, notamment à partir de 2010, oui, je crois. On a mis en place des formations de formateurs. C'était un choix de la Fédération Trisomie 21 France pour diffuser cette notion d'autodétermination. Formation de formateurs, il y a des personnes qui ont participé dans la salle, qui a eu lieu à Mons-Hainaut, donc une formation de 8 jours, avec l'université de Mons. L'université de Mons travaillait pas mal avec les chercheurs canadiens, à travers notamment de l'Association internationale de recherche sur le handicap mental, qui est une association francophone. Jean-François Chaussy a évoqué la loi de 2005. Quand on parle de la loi de 2005, quand on parle de son bilan, on occulte souvent un élément essentiel de la loi de 2005, qui est le projet de vie, puisque les besoins de la personne ne sont pas évalués, sont normalement évalués en fonction, ou devraient être évalués, en fonction de son projet, c'est-à-dire que de quoi on a besoin pour réaliser un projet donné. Donc Trisomie 21 a construit et a testé un outil qui s'appelle Imagine ton projet de vie. Ça, c'était opérationnel en 2011, donc qui était également avec l'Université de Mons, qui était fondé sur le DOD, Termination. Puis, dans les années suivantes, on a mis en place un outil en ligne, accessible aux non-lecteurs. Et vous noterez le changement dans les termes, puisqu'il s'intitule « Celui-là, c'est ma vie, je la choisis ». Donc, actuellement, on en parle aujourd'hui, mais le concept d'autodétermination s'installe et se diffuse. Les demandes et l'offre de formation augmentent. Les organisations vont chercher des compétences, notamment au Canada. Donc, c'est le cas de la Fédération générale des PEP qui a organisé des voyages d'études. C'est le cas du GAPAS, qui est une grosse association du Nord. Mais c'est aussi le cas de l'école des études en haute santé publique. Non, des hautes études en santé publique, pardon. Et puis les textes sont venus entériner le terme, le consacrer, des textes réglementaires, avec la création notamment des dispositifs de soutien à l'autodétermination et l'émergence du métier de facilitateur qui existe ici dans la Loire, qui se diffuse dans l'ensemble des départements, qui se diffuse progressivement, on va dire, dans l'ensemble des départements. Et je parle pour le secteur médico-social, donc je connais mal le secteur des loisirs, mais c'est quand même un secteur qui aime bien manipuler les mots, et le terme est maintenant constamment, couramment utilisé. On en use, et à mon avis, on en abuse. Mais, et pourtant, on continue à placer l'usager au centre de l'intervention, la personne au cœur du dispositif, au cœur de nos préoccupations. Et quand on dit ça, moi, invariablement, ça renvoie à mon âme d'enfant et ça me fait penser à ça. Il a intérêt à être déterminé, c'est sûr. Auto, c'est moins sûr. Donc, ça fait penser, effectivement, donc, de manière plus conventionnelle, Serge Bersold, qui est professeur des universités et titulaire de la chaire accessibilité au CNAM, a modélisé une approche polycentrée. Donc, on passe d'une personne qui est au centre, avec autour de lui, alors je suis désolé, ça n'a pas repris complètement ce que j'avais préparé, donc ça déborde un peu. Donc, les parents. Effectivement, autour de lui, il y a les parents et puis des travailleurs sociaux, de l'éducation, des loisirs, du secteur médico-social. Et tout le monde travaille, effectivement, à la personne qui est au cœur de ses préoccupations. Mais la personne, on ne se pose pas trop la question, elle est un peu comme la situation du dessin des Indiens tout à l'heure. Donc, Serge Bersold, il propose de passer à une coopération entre les acteurs et centrer sur le devenir de la personne, mais avec une personne qui est décentrée et qui est autour de la table. Et il lui propose de travailler sur le devenir de la personne. Le devenir de la personne, pourquoi le devenir ? Parce que ça permet de sortir de l'immédiateté, d'une part, d'avoir une vue un peu plus lointaine, même si c'est fluctuant, le devenir, effectivement, mais ça permet de voir plus loin, et ça permet aussi aux gens, aux personnes qui sont autour, de se décentrer des préoccupations immédiates. Et un point extrêmement fondamental, hein, qui rejoint la thématique de la journée, c'est le fait que si on considère pour que cette coopération s'organise, il faut qu'on considère que tout le monde a des compétences autour de la table. Alors les professionnels, bien évidemment, ils ont des compétences. Mais la personne, on l'a dit tout à l'heure, Jean-François Chaussy l'a dit, il a parlé des parents, mais les parents ont des compétences, bien évidemment. La personne a des compétences. Les parents, les professionnels, ils vont passer au cours de la vie de la personne. Hein. Les parents, ils vont rester le plus longtemps. Donc il faut le considérer. Mais chacun a aussi des besoins. Alors bien sûr, la personne et ses parents ont des besoins, on le sait tous. Mais les professionnels, est-ce qu'ils sont capables de reconnaître et d'énoncer qu'ils ont des besoins? Et pourtant, si on ne coopère que si on a un besoin de coopérer. Donc il faut pouvoir le dire. Et ensuite, on a parlé de choix et de décision. Donc je me suis dit que c'était intéressant de creuser ça avec Charles Pépin, qui est philosophe. Alors ce que je vais dire, ce qu'il dit plus exactement, c'est totalement discutable, mais je pense que c'est intéressant d'y réfléchir. Lui dit, choisir, c'est choisir logiquement, rationnellement, après un examen qui réduit effectivement l'incertitude. Il prend l'exemple suivant, entre deux destinations de vacances, si une présente plus d'avantages que l'autre, si ça coûte pas plus cher, eh ben on va choisir celle qui présente le plus d'avantages. Par contre, en revanche, si on a deux destinations qui sont toutes les deux attirantes, à budget égal, eh ben il va falloir décider. Et décider, c'est pour lui un peu différent de choisir. Donc, choisir, c'est se reposer sur critères rationnels. Décider, c'est agir avant de tout savoir. Et donc, lui, il pense qu'on est plus libre quand on décide que quand on choisit. Mais il dit aussi que cette liberté souvent nous perturbe. Ça nous amène à parler du risque. Parce que quand un choix comporte une part d'inconnu, donc il devient une décision, comme il dit. Enfin non, c'est moi qui le dis. Donc la décision comporte donc une part de risque. Et le risque, mais ne pas décider, est-ce que c'est pas prendre un risque? Celui de l'immobilisme et de la stagnation. On est globalement des professionnels ici de l'éducation. Et est-ce que l'éducation, c'est la stagnation et l'immobilisme? On peut se poser la question. Et après, si l'on réfléchit bien, on minimise les risques, on maîtrise mieux les risques si on a déjà décidé, si on sait ce que c'est de décider. Donc, en décidant que ça, c'est pour paraphraser Yankelevitch qui disait « on n'apprend pas à commencer, pour commencer, il faut commencer, et pour commencer, il faut du courage ». Donc, effectivement, c'est en décidant qu'on s'entraîne à décider. Et donc, effectivement, être en capacité de décider, c'est aussi prendre des risques, de se tromper, bien évidemment, mais aussi, ça permet aussi de rebondir. Pour terminer, je vous ai mis une affiche, un bonus, avec Britney Spears, dont je vous rappelle qu'elle était sous tutelle et qu'elle s'est libérée de cette tutelle. Voilà. Donc, je ne traduis pas. Hein. Voilà. Bon, et ben je vous souhaite travailler bien, et moi je retourne à ma retraite. Voilà.